frère. Si on m'avait dit que le temps passe vite sur cette terre, on écrit pour ceux qu'on veut rendre fiers. On dédie ce son à nos êtres chers. Et si je te disais comment j'aimais mon frère. Et si on m'avait dit que le temps passe vite sur cette terre, on écrit pour ceux qu'on veut rendre fiers. On dédie ce son à nos êtres chers. Et si je te disais de l'inédit, tout ce que je t'ai jamais dit. J'ai réduit la résine pour rejeter l'amnésie. Me rappeler des moments partagés, j'apprécie. Pour moi la confrérie, c'est Romain, pas Jesse. Là j'insiste, sans toi j'aurais pas pris cette route. Tu fais bouger les têtes des gens à qui t'as brisé le cou. T'es toujours là pour moi, sur ta porte t'as pas mis de verrou. Je te dis ce que je pense parce que chaque jour la vie c'est courte. T'as pissé route sur les parois de mon cœur, c'est déjà fait. J'ai purifié mon âme sans y verser de javel. En suivant tes conseils que dans un coin de tel j'avais. Parfois je vais loin, j'exagère, mais là c'est simple et sincère. Et si je te disais à quel point je t'idolâtre. Toujours le mot pour rire, jamais moins décollade. Ils sont pas mauvais nos fils, ils ont rénové nos vies. Mais tu me vois appliquer d'office si t'as des besoins de bricolage. Et si je te disais que j'ai de moins en moins de frais. Je n'aurais jamais de regret d'avoir été le témoin de deux frères. Ça graffe à balle et je vois le naturel de vie rester. Avec vous deux, je n'ai pas connu le sentiment d'irrespect. Et oui, dédicace, efficace, gros big up, amica. Premier coup de cœur amical, bonne critique, claricale. Et certes, je me suis cassé la gueule, je connais les hauts, les bas. Quand je me sentais seul, y'avait les hauts, les gars. Je revois de la couleur, le décor devient un beau tableau. J'efface la douleur du cœur grâce à mon faux Pablo. Et j'ai bugué, j'ai vu Biggie dans le bigot. Qui pense plus aux autres qu'à lui-même, l'amigo. Dès que je dégueule ma haine et que je dégaine la sienne, on met les pieds dans le plat et crache dans les belles assiettes. J'évite les pensées, mec, d'oxymère à gras du but. Et si t'es plein de projets, évite ce qui te met grave du fils. Et si je vous disais combien je vous aime, les frères. Et si on m'avait dit que le temps passe vite sur cette terre, on se déchire pour ceux qu'on veut rendre fiers. On dédie ce son à nos êtres chers. Et si je vous disais combien je vous aime, les frères. Et si on m'avait dit que le temps passe vite sur cette terre, on se déchire pour ceux qu'on veut rendre fiers. On dédie ce son à nos êtres chers.